aime tout ce qui est propre. Un beau son bien lissé, jamais payé dans le propre. Et ton nom, c'est le carré. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est crade. Un bon vieux son, tout pour lingue. Ce qui est trop beau, moi, je trouve ça fade. Moi, le rond, je suis cradingue. Ta musique, elle parle pas. Ma musique, elle fait gerber. Punk reggae, ça t'attire pas. Moi, la technique, ça me fait chier. Un rond dans un carré, mais tu sais tout bon. Un carré dans un rond, il faut bien composer. Un rond dans un carré, mais tu sais tout bon. Un carré dans un rond, il faut bien composer. Toi tu aimes tout ce qui est propre. Un beau son bien lissé, jamais se baigner dans le propre. Et ton nom, c'est le carré. Moi ce que j'aime, c'est quand c'est crade. Un bon vieux son, tout bourlingue. Ce qui est trop beau, moi je trouve ça fade. Moi le rond, je suis cradingue. Un rond dans un carré, mais tu sais c'est tout bon. Un carré dans un rond, il faut bien composer. Un rond dans un carré, mais tu sais c'est tout bon. Un carré dans un rond, il faut bien composer. Dans un rond, il faut bien composer.